بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تمام. الحديث اليوم هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرج مسلم. وفي لفظ له أي لمسلم: فيريقه. وللترمذي: أخراهن وأولاهن بالتراب. كل حديث selon أبو هريرة que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que la purification du récipient de l'un d'entre vous, si le chien vient y boire, j'ai trouvé qu'ils ont traduit par la paix. La paix. Je pense que quand c'est la façon de boire du chien, vous êtes qui rentre sa langue. C'est le chien ne boit pas comme l'être humain. Qu'il le lave 7 fois, et la première avec de la terre. Akhraj Muslim. Et dans une, dans un énoncé qu'il a, en plus, Faliulikhu est qu'il jette l'eau, qu'il déverse l'eau. Wal Tirmidhi, il dit, la première et l'une d'entre elles ou la première, avec de la terre. Avec de la terre. Taïeb. Donc là, cela concerne la bave du chien. Tout d'abord, le chien précise que l'ajout dans chez Muslim, fallait ouvrir quoi, elle est chasse. هذه زيارة شاذة، هذه مارجنال، غير محفوظة. Et c'est l'avis de plusieurs imams dans le hadith. تمام. Donc ensuite il dit: مسألة حكم الكلب ولعابه. Le jugement sur le chien et sa bave. Donc les savants se sont divisés en 3 mazahib. Sur le point, sur ce sujet, 3 avis. Le premier, que la bave du chien est une najasa, une impureté, et que le reste de son corps est pur. Et leur dalil, c'est ce hadith. Et leur dalil, c'est ce hadith. Tamam. Ensuite, deuxième avis. Que il est où? Que le chien entièrement est najasa, c'est-à-dire le chien, sa bave, ses poils, que tout le chien est une najasa entièrement. Et eux, ils voient que si elle met la bave du chien est une najasa, cette bave vient de lui, donc le reste du corps également l'est, sa sueur, ses poils et tout le reste. Et il sort du hadith également de Maymouna dans les Shaymah Muslim. En le Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhraja haru kalbin min baytihi thumma nadaha mekanahu bilma. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti un chien qui était dans sa maison et il a humecté le lieu où il était avec de l'eau. Et le troisième qawl, troisième madhhab, c'est que le chien est complètement tahir, sa bave et son corps. C'est le madhab de Malik, comme sur les connus de lui et d'autres. Et leur preuve, c'est le hadith apporté par Abu Huraira. Anna rajulan miman kana qablana saqa al-kalb bi khuffihi fa ghafara Allah lahu, muttafaqun alayh. Qu'un homme, parmi ceux qui étaient avant nous, c'est-à-dire les communautés précédentes, a abreuvé un chien avec sa chaussure et que Allah lui a pardonné à cet homme. Ensuite, ils ont également le Asad ibn Omar, rapporté par l'imam Bukhari, qui dit « Kanat al-kilab taboul wa tuqbil wa tudbir fil masjidi fi zaman Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yakounu yarushuna shay'an min dhalika » qui les rapporte qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chiens urinaient et tournaient dans le masjid à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que personne ne venait pour nettoyer par la suite. Également, ils se servent du hadith de Adi ibn Hatim dans les Sahihain, Muttafaqun alayhi, qu'il est permis de prendre le gibier apporté par un chien, le chien qui est dressé pour la chasse. Et bien entendu, d'où il prend le chien, cette nature, par sa bouche. Naam. Wa qalu ta'ala, fa kulu mimma amsakna alaykum. Et mangez de ce que ce chien justement a pris pour vous. Ibn Saïd. Donc il dit que le fait également de laver sept fois l'inet, le récipient, c'est un amt abboudi et non pas pour le najasa. C'est une chose qui est liée à l'adoration. C'est un texte comme un texte. C'est en fait c'est une chose, c'est comme le fait de faire 4 rakat pour Dhor ou 3 rakat pour le Maghrib. C'est une chose qui est liée à une adoration. Ce n'est pas forcément lié à najasa. C'est que Allah a voulu qu'on fasse ça sept fois. Amru ta'abboudi, comme il y a encore. Une chose, c'est un décret religieux. On ne connaît pas forcément la hikma, on doit le faire. Naam. Tayyib. Donc après les réponses données par rapport à le Adillah, tout d'abord, celui qui a abreuvé le chien avec sa chaussure, tout d'abord, c'était une communauté qui était avant nous. C'est une communauté qui était avant nous. Et le os, c'est que la législation des communautés antérieures peut être conforme à la nôtre si elle ne contredit pas une preuve. Donc si elle a fait son éloge. Il y a un khilaf sur la masala, ça va en prendre dans le fiqh. Hal shar min qablina shar min lana. Est-ce que la législation de ceux qui étaient avant nous, elle reste valable pour nous? Et le qawl sahih, c'est qu'elle est pour nous tant qu'elle ne s'oppose pas à un texte qu'on a. D'accord ? Qu'elle ne s'oppose pas à un texte qu'on a. Qu'elle n'a pas été abrogée. Donc, on dit dans ce hadith, il se peut que c'est une chose qui était dans leur religion, dans leur législation à eux, et également que peut-être qu'il a nettoyé sa chaussure, après on n'est pas au courant. Car le hadith n'est pas venu pour parler du sujet de la najasa, de la bave du chien, mais pour montrer le mérite d'abreuver et d'être bienfaisant vers les créatures. Ou peut-être qu'il n'a pas remis aussi la chaussure, également, avec laquelle il a abreuvé le chien, parce qu'il ne l'a pas remise. Il a abreuvé ce qu'il a mis de coquet, il l'avait plus tard. Allah alam, il avait peut-être d'autres chaussures. En tout cas, c'est pas assez précis, tu vois, c'est pas assez fort par rapport à ça. Et il y a une différence entre un récipient et une chaussure. Donc, la chaussure, tu marches dedans, tu la poses. Le récipient, tu manges dedans. Donc c'est plus strict. Point de vue hygiène, c'est plus strict avec un récipient dans lequel tu manges, dans lequel tu bois. Ensuite, il y avait parmi les choses auxquelles ils ont répondu, ceux qui voient que tout le chien est impur du fait que si sa bave l'est, c'est que le reste aussi l'est. Et Cheikh Al-Islam, il dit ça n'a rien à voir car la bave est une chose et le reste du corps en est une autre. Et également ses poils, sa sueur. Ça, c'est, par exemple, ses poils ne sont pas liés. La bave est une chose qui est liée à son intérieur. Le poil, c'est une chose qui est liée à son épiderme, à son extérieur. Ce n'est pas lié forcément. Donc, c'est un paraclès qui est valable. Par exemple, nous, l'être humain, on urine. L'urine, c'est une najasa ou pas? C'est une najasa. Elle vient d'où? D'intérieur. C'est-à-dire que le reste du corps, il est impur? Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Donc, la bave du chien, c'est autre chose. À ne pas confondre. Ensuite, également pour le hadith du fait que le chien de chasse prenne le gibier dans sa bouche, rien n'empêche que tu le nettoies. Parce que déjà à la base, même on dit que ça comment dire, ça bave, ça s'appelle najasa. le gibier qui va être amené, tu vas le nettoyer de toute façon. Tu vas enlever la peau, si c'est, mais c'est un lapin ou ce genre de choses, ou les plumes, c'est un oiseau. Donc il n'y a pas de contact direct entre la bave et la chair de l'animal. Et même on dit qu'il mord dedans. À la base de chaîne dressée, il ne mord pas trop fort. C'est juste pour tenir le gibier. Et au pire des cas, tu nettoies de toute façon après. Tu vas le nettoyer. Et avec quoi? Et par rapport au hadith de Hafad ibn Umar, que les chiens venaient dans le vas-y du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont répondu qu'il se peut que, tout simplement, quand l'urine est venue, ils ne savaient pas où se trouvait le lieu où il avait l'urine, donc ils n'ont pas versé dessus. Et également que le toit n'était pas complètement fermé à l'époque, c'est des branches de palmier. Que le soleil est rentré. Et qu'il est connu que si le soleil rentre et le vent rentre sur les lieux de Najasa, ça les fait sécher, ça les enlève. D'accord, ça les enlève. Et également, il se peut qu'ils disent que cela soit venu avant que le jugement ne vienne, par rapport aux chiens. Avant que le jugement ne vienne, par rapport aux chiens. Donc, le chien reconnaît que les trois avis sont forts, de toute façon, tous des preuves, on va dire, un peu à l'appui. À part le plus faible, c'est celui de dire que tout le chien les najas. Le plus fort, c'est la bave, ou qu'il est pur. Il dit que les trois, à la base, les trois cols, ils sont quand même forts, tu vois, mais la vie le plus juste, c'est que ce n'est que la bave qui l'est. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit, mas'ala, hal al-hukm as-sabiq mahsous bi-kalb dun kalb. Est-ce que le jugement précédent est spécifique à un chien, en particulier, plutôt qu'un autre? Et est-ce que c'est un jugement qui est spécifique au chien qu'on peut acquérir, comparé au chien qui t'est interdit? Est-ce qu'il y a des chiens qu'on peut acquérir, comme le chien de chasse, le chien de garde, le chien de berger, et ils ont même dit le chien d'aveugle. D'aveugle. Quand t'es aveugle, maintenant il y a des chiens qui peuvent t'aider à marcher. Et ce chien-là, ils disent qu'il est accepté aussi, celui-là. Tu peux en avoir un. Ces chiens-là sont les chiens que l'homme a droit d'avoir. Les autres, tu n'as pas le droit d'avoir un chien. Et même ces chiens-là que t'as, à la base, ils ne rentrent pas dans la maison. Sinon, ils interdisent quoi? Allez, ouais. Et celui qui a un chien chez lui, qu'est-ce qu'il perd? Qiratan hasanat, coule de tous les jours deux montagnes de hasanat. Comme tu dis dans le hadith. Et comme tu dis en plus, les anges ne rentrent pas. L'être le malaïka baytan fi kalb au sura. Les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image. En tout cas, ces chiens-là font exception. Et à la base, ben, à l'époque, les gens, c'était pas des appartements qu'il y avait. Donc, t'as un jardin, t'as une cour, le chien reste dehors. Le chien de garde, sa place, c'est dehors, c'est pas dans la maison. Le chien de berger, il peut rester dehors. Son but, c'est quand tu sors avec ton troupeau, il surveille. Le chien de chasse, pareil, c'est quand tu sors, il sort avec toi. Sinon, dans la maison, il reste. Le seul problème, c'est peut-être le chien d'aveugle, aujourd'hui. Dans l'époque où on est, comme beaucoup de gens vivent dans les apparts, ce genre de choses. Mais le chien, normalement, il rentre pas dans la maison. Et là, le chien, tu peux l'avoir, mais il rentre pas dans la maison. Ah, également, il y avait un autre truc par rapport à le fait de dire que le chien entièrement il est najas, afouen, que le chien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé chez lui après il a nettoyé le lieu où il était. Ils ont dit que c'était parce que le chien a bavé à cet endroit-là. D'accord? Peut-être qu'il a bavé à cet endroit-là. Ou peut-être qu'en fait, il a humecté. Il n'a pas genre fait un grand lavage. Parce qu'en cas, le récipient, il a dit 7 fois et là, il a fait qu'une seule fois. Ou plutôt, ça n'a pas été précisé combien de fois il a fait. C'est pas forcément le même nettoyage qui a été fait. Tu vois, il dit c'est trop vaste. Pareil. Alors que là, celui du récipient, il est précis. Donc, on le code d'homme à la réalité. Hein, on le fait devancer sur les autres adil. Après, il dit hukm al-ghusl sab marrat. Le fait de laver 7 fois. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Car il est venu une version que Abu Huraira l'aurait fait que 3 fois. Ou plutôt, il aurait fait une fatwa dans laquelle il aurait dit 3 fois. Et c'est lui-même qui a apporté le hadith de 7 fois. Donc les ulama disent 7, ce n'est pas obligatoire. Et il y a une qaïda dans le souligne qu'on va prendre qui est qu'à la base, Al-Ibara bima rawa Al-Rawi wala bima ra'a. On prend en considération ce que le rapporteur a rapporté et non pas ce qu'il a vu. Ce qu'il a rapporté. Ou ce qu'il a fait. C'est-à-dire, Abu Huraira, il a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit 7 fois. D'accord ? Donc les trois fois qu'il est fait, peut-être un ijtihad de lui ou autre chose. Nous, on fait prédominer quoi ? Ce qui a été apporté. Il y a aussi un hadith d'Aïf qui est venu, qui cite moins de cette fois, mais il n'est pas à prendre en considération. Donc la parole la plus authentique, c'est qu'on fait cette fois, comme cela est venu dans le hadith. Comme je l'ai dit, cite des akwal de ulama qui ne voient pas ça, mais pour raccourcir le ders, car au final, les akwal, tu vois, ils sont, il y a des réponses. Il y a des réponses. Celui qui est l'arabe, Inch'Allah, il revient au livre directement. Estafid. Ensuite, est-il obligatoire, hukm est atrib, le fait de mettre de la terre, comme de le hadith est venu. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ils disent que les jumours des ulama, la plupart des savants, ils voient que c'est obligatoire d'user la terre. Quelle est leur preuve? Le hadith d'Abu Huraira, un instant, cité. Ensuite, mawqi' est atrib. Il y a à quel moment on utilise on met la terre, car on a dans une voie qui dit ou la hunna bit turab, ou une autre qui dit ou la hunna bit turab, et une autre qui dit ou la hunna bit turab, une qui dit ou la hunna bit turab, qui laisse penser qu'on peut le faire à n'importe quel moment, parmi les sept. Donc là, la version la plus authentique, c'est celle de Muslim. Oulahuna biturab. La première, avec de la terre, mélangée avec un peu d'eau, et ensuite tu fais les autres derrière. Mais comme il y a l'autre version qui est venue, Oukhalahuna biturab, yani, ils ont dit, en loi assis, tu peux faire aussi à un autre moment. Mais le meilleur, c'est de le faire en premier. De le faire en premier. Mas'ala kayfiyat, idafat at-turab. Comment tu rajoutes la terre? La façon de faire. Donc en fait, il faut que tu la mettes avec un peu d'eau. La terre, d'accord, tu mets la terre dans le récipient et tu mélanges avec un petit peu d'eau pour que tu puisses laver avec. Ensuite, su'al, mas'ala, hal yakum sabun wal ashnan maqam at-turab. Est-ce que le savon, par exemple, prend la place de la terre? Est-ce qu'on peut poser une autre chose nettoyante, un autre produit, un détergent, ce genre de choses, à la place de la terre? D'accord. Là-dessus, différents avis ont été donnés. Et en réalité, le hadith est venu avec la terre. Donc on prend la terre. La ville plus forte, c'est la terre. Et il a été même découvert, comme Al-Bassam y rapporte dans son charh à lui, que des médecins ont découvert que justement la terre était ce qui était le plus efficace contre des choses, des bactéries présentes dans la bave du chien. Et que c'est la terre qui est de plus profitable par rapport à ça. Tu peux venir avec plein de désinfectants, ce genre de choses. La terre, c'est le meilleur pour ça. Donc on prend la terre, comme cela est dans le hadith. Non. Donc après, il dit ma hukm izat adada al wulur. Comment agir si jamais le chien a bu plusieurs fois? Est-ce que pour chaque chaque fois où c'est abreuvé, on nettoie cette fois? Ou si plusieurs chiens ont bu, par exemple, tout nous revient à ce jugement, tu le laves cette fois. D'accord? Tu le laves cette fois. Avec celle avec de la terre. Yanni, je parle sur le moment. Mais là, on dit que t'as lavé cette fois ton inet, tu l'as rendu propre, tu l'as purifié. Et il reboit, tu renettoies. Donc, par exemple, là, il y a un récipient, un chien l'a bu. Il s'en va, après, il reboit tout de suite. T'as pas encore nettoyé. Ou un autre chien, il vient avec lui. Ils sont 3, 4, 5 à boire. Toi, tu fais pas 7 lavages par chien. C'est le même jugement pour... Tu arrives à partir du moment où un chien a bu dedans, 7 fois avec. Ensuite, il dit « Ize walara al kalbu fi ma'in lisa fi ina'in » Si le chien boit dans une eau qui n'est pas dans un récipient. Tamam. Donc, on dit si le chien boit dans une eau, par exemple, qui n'est pas dans le récipient. Quel est le jugement de cette eau? Je te retourne la question. Le chien a bu dans une eau. Quel est quel jugement pour cette eau. Ah. Ça, c'est ce qu'on a dit au début. S'il ne change pas son goût, sa couleur, son odeur, elle met tahour. Elle met tahour. Toi-même. Après, il dit Najasat, Rel, Luab, El Kelb, El Toursel, Saban. Est-ce que les impuretés autres que la bave du chien se lèvent cette fois? Est-ce qu'on lave cette fois pour toute chose? Donc certains voient que oui, en prenant comme qiyas, comme comparaison analogique, celle du chien. D'accord? Et le chien dit non. Les autres najasa, là c'est un truc qui est venu propre pour le chien. D'autres najasa sont venus par exemple le sang des menstrues. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Tahuttuhu, thumma takrusu, thumma tandahu bilma, thumma tusallifi. Il a dit quoi? Que tu nettoies avec de l'eau, tu le frottes, et ensuite tu fais salade dedans, dans le vêtement. Tu sais, il a dit cette fois? Il a pas dit cette fois. Donc ce qui est venu pour le chien, c'est propre pour le chien. Ce n'est pas toute najasa qui touche une chose, on lave cette fois. Il n'y a qu'au moins que de la terre. Par exemple, pareillement, demain, quelqu'un, par exemple, a de l'urine sur lui ou autre chose, c'est pas il va laver cette fois. C'est il lave d'une quantité suffisante qui enlève le najasa. Si ça part une fois, ça part une fois. S'il faut rajouter, il rajoute, ainsi de suite. Par contre, ce qui est venu pour le chien, c'est que pour le chien. D'accord? C'est que pour le chien. Il est mieux qu'une masala également. Est-ce que le récipient doit être lavé sur le champ? Dès que le chien l'a vu, tu le laisses direct. D'accord? Il dit en cela, quand elle y a si le hou, là il est venu quoi? L'aime l'amr. Il y a trop le fils tirat et le wujoub. On a appris que elle offre il amr, un nahu yomel bihi al fawri. Directement. Cependant, il dit que la plupart des savants vont se lever mustahab de laver tout de suite. Et que si jamais tu en as besoin maintenant, tu laves tout de suite, ça c'est sûr. T'as besoin de, par exemple, du récipient tout de suite, tu le lèves directement. Si tu le laisses, t'as pas commis de péché. Par exemple, on dit que le chien a bu, t'as laissé le récipient là, t'étais occupé à faire autre chose, tu l'as lavé plus tard, ils disent, ma fichée. Naam. Donc ça, c'était Meyat al-Akbi, Lu'ab, El-Kalbi. Il y a d'autres points qu'il a cités, mais comme je dis, on fait Ikhtisar et Muyassar. Ça, c'est des points, généralement, que tu retrouves plus souvent. Quoi qu'il en soit, le jugement ne change pas par rapport au chien. Quand bien même quelqu'un aura un chien et que sa position est licite, il n'a plus que ces règles-là quand même. Si le chien est moi dans un récipient, il lève cette fois. Tamam.